Section 97 de la lecture, tome 6e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Sonia. La lecture, tome 6e. Section 97. La princesse Lilith, par Jules de Maître. Chapitre 5. Nun cacha sous ses voiles le petit Osaël, et Lilith et la bonne négresse rentrèrent au palais, à l'heure où le soleil se couchait derrière Jérusalem. Quand Lilith fut dans sa chambre, elle prit Osaël sur ses genoux, et l'enfant riait et voulait saisir les longs pendants d'oreilles de la petite princesse. Mais Nun, qui, dans la salle voisine, préparait une bouillie de maïs pour l'enfant, accourut et dit « Le roi, voici le roi !» Lilith n'eut que le temps de cacher Osaël au fond d'une large corbeille et de le recouvrir d'un monceau de soie et de laines éclatantes. Le roi Hérode entra à pas pesants, le dos voûté, les yeux sanglants dans sa face terreuse, secouant sur lui des colliers et des plaques d'or, et son menton était agité d'un tremblement dont sa barbe tressée frissonnait toute. Il dit à Lilith « D'où viens-tu » Elle répondit « De Jéricho ». Et elle leva sur le roi ses yeux tranquilles comme l'eau des citernes. « Oh, comme elle lui ressemble !» murmura Hérode. À ce moment, un petit cri sortit de la corbeille. « Veux-tu bien te taire ?» dit Lilith au chat Astaroth, qui dormait sur les tapis. Puis elle dit au roi, « Mon père, vous semblez avoir du chagrin. Voulez-vous que je vous chante une chanson ?» Et prenant sa cithare, elle chanta une chanson sur les roses. Et le roi murmura « Oh, cette voix !» Et il s'enfuit, comme pris d'épouvante, parce que les regards et la chanson de Lilith lui avaient rappelé la voix et les yeux de la reine Marianne. Fin de la section 97.